viens de là-haut. Les lapatires, les chasseurs, l'adoré confessionnal, les curés, enculés, sœurs, police partout. Justice nulle part. Au Mac, j'assassine le beat et puis je repars. Si je m'isole, c'est que j'en ai besoin de tracasse. Je suis pas l'enfant du fond de la classe, mais c'est lui qui fracasse. Enfant de la classe, crache mes mots comme le fait le lama. Ne crois pas que je suis malade, je ne suis pas Serge Lama. Un rap de densité, toujours les mêmes qui sont cités. Dans leurs faits divers, toujours les mecs de cité. La vie ce n'est pas vivacité, mais incitation de sexe, drogue, violence. Mais ma force reste excitation. La vie, je la tape pas, elle est d'une corde. Coup de poule, percute et t'envoie direct dans les cordes. De temps en temps, cherche les dents et cherche la vis. J'y garde la tête haute, car la vie est un vice. J'ai découvert depuis peu que ma force était le rap. Quelques tractions de mâchoire pour lâcher des rimes qui claquent. Vers ses muscles aux haltères pour montrer ma force de frappe. C'est son du sous-sol, c'est nous qui sort, putain trappe. J'ai découvert depuis peu que ma force était le rap. Quelques tractions de mâchoire pour lâcher des rimes qui claquent. Vers ses muscles aux haltères pour montrer ma force de frappe. C'est son du sous-sol, c'est nous qui sort, putain trappe. Le rap c'est ma force et je m'efforce de l'affiner. T'as fait mes écrits pour ainsi mes sons les confiner. Y'a qu'avec le rap que j'entends l'affinité. Je l'applique avec honnêteté. De la vanité, la variété paye plus, mais je m'en bats. Et alors, la richesse est dans les yeux, pourquoi la chercher ailleurs? Le BPM dans mes veines, mes artères pleines de son. T'auras plein de putain d'haleine, retourne au leçon. Le son, les lyriques, c'est de ma vie que je parle. Ma vie, le 4000, c'est de là que tout part. Rap, casse, tête d'as, tête casquette, respect sans dharma, Sakinox, mon étiquette. Je m'envolais comme un Airbus, je rêve plus. Cette plume déplacée en bus, mais en fusée. Comme Calo, être en apesanteur et ne jamais m'arrêter. La vie c'est un cactus, c'est du tronc qui vous la chantait. J'aligne les verres au pic avec espoir dans mon cahier. En a marre de cahier et de traîner dans la cahier. Un dernier truc, rendons à César ce qu'appartient à César. Comme rendez tous les Oscars qu'on a volé au standard. J'ai découvert depuis peu que ma force était le rap. Quelques tractions de mâchoire pour lâcher des rimes qui claquent. Vers ses muscles aux haltères pour montrer ma force de frappe. C'est son du sous-sol, c'est lui qui sort et puis t'attrape. J'ai découvert depuis peu que ma force était le rap. Quelques tractions de mâchoire pour lâcher des rimes qui claquent. Vers ses muscles aux haltères pour montrer ma force de frappe. C'est son du sous-sol, c'est lui qui sort et puis t'attrape. J'ai découvert depuis peu que ma force était le rap. Quelques tractions de mâchoire pour lâcher des rimes qui claquent. Vers ses muscles aux haltères pour montrer ma force de frappe. C'est son du sous-sol, c'est lui qui sort et puis t'attrape. J'ai découvert depuis peu que ma force était le rap. Quelques tractions de mâchoire pour lâcher des rimes qui claquent. Vers ses muscles aux haltères pour montrer ma force de frappe. C'est son du sous-sol, c'est lui qui sort et puis t'attrape.